La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la croche-oreille, l'aventure sonore du dimanche soir sur les ondes de CKRL. Au programme, ce soir, je vous propose une rencontre avec Émile Beauchemin, commissaire du Mois Multi, qui prend son envol ce prochain mercredi, 5 février, pour une édition écourtée cette année en raison des travaux qui s'amorcent à Méduse, mais tout de même, un programme, vous allez le voir, varié, intense et, comme d'habitude, de très grande qualité. Le Mois Multi nous propose donc une série d'activités, des performances, des happenings, des installations, des spectacles inclassables, des réflexions sur les nouvelles formes artistiques. Tout ça imaginé cette année autour du thème de l'effondrement. Pour reprendre les réflexions du commissaire Émile Beauchemin, là j'ouvre les guillemets, il dit ceci... Cette nouvelle programmation s'articule autour des choses qui s'effondrent, un sujet résolument dans l'air du temps que nous ont inspiré au cours de la dernière année les artistes et créateurs du Bureau de la Paix. Un magnifique feu de joie est né de ce désir, souligne le commissaire, pour qui le programme de cette année explose d'une diversité d'humains, d'approches, de sujets et de manières d'aborder ce monde que nous tentons sans cesse de mieux comprendre et de reconstruire. Voilà qui est bien dit. Comme à chaque année, le Mois Multi comporte dans sa mouture artistique de nombreuses propositions artistiques dont le contenu sonore est particulièrement pertinent, saisissant, et c'est dans ce contexte que j'ai eu la chance de rencontrer Émile Beauchemin en compagnie du commissaire au volet sonorité électronique, Michel Plamondon, réputé créateur et diffuseur de musique électronique, qui nous suggère l'idée de faire la bombe, histoire de ponctuer le volume sonore du festival. Donc voilà, sans plus tarder, les propos que j'ai recueillis auprès des commissaires du Mois Multi 2020. Tout est beau. Émile Beauchemin, bienvenue à la croche-oreille. Merci beaucoup. Émile, le Mois Multi, ça démarre très bientôt, mercredi prochain. Tu as travaillé cette année avec un défi, je dirais, là, de faire un programme resserré dans le temps, le Mois Multi, dure une semaine. J'aimerais que tu me parles un peu de l'esprit du festival que tu as bâti depuis ces dernières semaines, sinon ces derniers mois. Oui, en fait, ben c'est une nouvelle formule. On parlait beaucoup de la dernière semaine d'un mois multi, un mini mois multi, mais on se rend compte finalement que c'est très condensé parce qu'on a 70 artistes, 20 activités. C'est presque autant que dans un mois multi qui dure tout le mois là. Donc on a beaucoup de stock. Puis c'est un mois multi qui en fait ne faillit pas avoir lieu. C'est un mois multi un peu pirate. Raconte. Ouais, ben en fait, il y a eu beaucoup de revirements de situation là, avec Méduse. En fait, la petite histoire derrière ça, c'est qu'au début, Méduse était censé pas être ouvert pour le mois multi. Donc, on était un peu en stand-by, puis on s'est dit, ben cette année, on fera pas de mois multi, mais on va faire une activité satellite, quelque chose en attendant l'an prochain. Revirement de situation, on a nos locaux, on peut faire un mois multi. Mais entre-temps, on avait déjà prévu des activités à l'extérieur. Ce qui fait que le mois multi cette année est à Méduse, mais il se trouve également à la caserne, à la maison pour la danse, à la maison de la littérature. Donc, on est dans une formule très différente au final, condensée avec plusieurs excroissances. Puis je pense que ça va être bien parce que ça va amener une vie de festival. Condensé, bien réseauté. Ce serait quoi la ligne directrice de ton festival cette année, s'il y en a une, parce que c'est pas une obligation? Non, il y en a une. Je parle d'effondrement. l'effondrement dans tous les sens du terme. Là. En fait, ce que je remarquais, c'est que beaucoup des artistes qui nous approchaient pour parler de leur, pour nous présenter des projets, en fait, ils nous parlaient de crise climatique, de crise politique, d'une jeunesse fâchée qui a besoin de reconstruire. Et avec tous les hauts et les bas qui ont suivi la préparation de ce mois multi, de se dire est-ce qu'il y en aura un, je voulais parler des choses qui tombent et les choses qui se reconstruisent après. Donc, l'effondrement m'apparaissait comme étant le thème logique. Donc, sur la base de ce thème-là, tu as construit ton programme et il y a parmi les artistes ou les collectifs que tu reçois des artistes là, qui ont une démarche qui met en perspective le son, l'expérimentation sonore, la musique expérimentale, parfois de la musique inclassable. Et j'aimerais ça que tu me parles d'un premier projet qui est présenté par Gordon Monahan et son acolyte, dont le nom m'échappe, mais tu vas me le rappeler. Oui, c'est Bill Coleman, en fait, son acolyte. Je suis tellement, tellement content de présenter ça au Moi Multi. Gordon Monahan, c'est une pointure incroyable de l'art sonore au Canada puis dans le monde. C'est le projet Sound of Mind and Body, où que le chorégraphe Bill Coleman, il compose sa propre trame sonore via la captation biométrique de son cerveau. Et le traitement sonore, donc tout ce qui est entre son cerveau et la trame finale, c'est Gordon qui le manipule et qui le fait en live. Donc, c'est un projet biométrique hautement technologique, très moi multi, là, si je peux me permettre de le dire, puis que je crois vraiment que ça va être intéressant. Tout ça contrôle un disque clavier, un piano électronique là, qui peut être contrôlé via des Q MIDI, je crois, là, ce qui fait qu'il peut contrôler le piano avec son cerveau. Et si je m'abuse, c'est un projet ça, dont la construction sonore se fait en live ou s'il y a déjà là, un travail préparatoire en amont? Les deux. Il y a un travail en live fait par Gordon, puis il y a un travail en amont. Toute la programmation, en fait, interface, cerveau et qu'est-ce que ça déclenche, ça c'est fait à l'avance. Puis après ça, Gordon se permet de venir y installer sa propre ambiance au fur et à mesure de la performance, puisque Bill Coleman, lui, se met dans différents états physiques et émotifs pendant la performance. Gordon le suit là-dedans. Alors, Émile, on a avec nous, on a entendu un peu en arrière-plan tout à l'heure, Michel Plamondon. Oui. Michel, salut. Allô, ça va bien? Très bien. Écoute, tu es tout de même à la gouverne du volet de musique électronique depuis quelques années. C'est la quatrième année, je pense, cette année, ou sinon... C'est la troisième. Et c'est un volet qui est extrêmement apprécié par le public. Tout à fait. Si je ne m'abuse, ça se passe à la cuisine cette année? En fait, on a deux sections, comme on pourrait dire, là, cette année. On a à la cuisine, qui a, depuis quelques années, on a amené les gens à venir faire la fête, là, vraiment, après les performances qu'il y a un petit peu partout, là, pour le mois multi. Donc, ça se termine à la cuisine. Cette année, vu le condensé, après l'effondrement, on reconstruit vers la cuisine, tout simplement, le vendredi soir, oui, avec Magnanime et Stephen Beaupré, qui sont deux musiciens de musique électronique, une fille originaire de Québec, un gars originaire d'Ottawa, qui sont maintenant à Montréal depuis quand même très longtemps. Donc, on pourrait quasiment les qualifier d'expatriés vers Montréal. Ils font vraiment de la musique électronique avec beaucoup d'échantillons qui viennent un petit peu de partout. Si on connaît Stephen Beaupré depuis ses débuts, qui a un petit peu fondé le départ de la scène rave à Ottawa, a fait après ça en arrivant à Montréal avec son copain, son ami Scott, qu'on connaît sous le nom de Deadbeat maintenant. On fait un duo qui s'appelle Crack House, qui a vraiment été dans les débuts de Mutech, un duo qui a vraiment bien fonctionné, que ça a vraiment bien été, tout ça. Évidemment, Scott maintenant habite à Berlin. Stephen, lui, a décidé de poursuivre à Montréal. Il fait vraiment une musique un petit peu plus techno, un petit peu plus house, vraiment dansante. Et c'est quelque chose, on fait la fête, là. Et Magnanime, juste avant Stephen Beaupré, à la cuisine, elle fait une musique vraiment un genre de techno plus... qui va chercher des racines de musique concrète, des racines de musique vraiment plus expérimentale et tout ça. Elle s'amuse à voyager, à aller enregistrer des tribus dans le désert, à prendre des échantillons un petit peu partout, faire beaucoup de trucs au Mexique, entre autres, les derniers temps, un petit peu à Berlin aussi et tout ça. Mais ça fait quand même quelque chose de très... très original, on peut entendre vraiment ce qu'elle fait. T'sais. Michel, on va écouter un extrait de Magnanime. Puis ensuite, j'enchaîne avec Stéphane. Oui, pas de problème. Donc, les deux ont fait des choses sur l'étiquette de disque Perlon, qui est une étiquette de disque phare de la musique techno allemande. Mais on a pu les entendre également là, avec des trucs faits chez Musique Risquée de Montréal. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes. Et on écoute ça. C'est que nous, Thank you.

Alors, c'est l'accroche-oreille qui se poursuit sur les ondes de CKRL. Je vous rappelle d'entrée de jeu que vous pouvez retrouver toutes les pièces entendues ce soir sur le site l'accroche-oreille.wordpress.com. Vous y retrouverez également le titre des pièces, le descriptif de l'émission, nos partenaires, ainsi que toutes les émissions disponibles en balado-diffusion. Comme suite à la première partie de l'émission, je vous propose donc ce soir l'écoute des propos que j'ai recueillis il y a quelques jours maintenant auprès du commissaire du Mois Multi 2020, Émile Beauchemin, qui était accompagné pour l'occasion de Michel Plamondon, qui programme pour une troisième année consécutive le volet sonorité électronique du festival. Écourté, comme je l'ai mentionné, cette année, en raison de travaux majeurs à Méduse, le Mois Multi débute ses activités dès mercredi 5 février avec le lancement des projets L'école d'aviation de Diane Landry s'est présentée à l'œil de poisson. Le show de l'effondrement qui n'aura pas lieu, c'est du bureau de l'APA et s'est présenté au centre-vue, une expo de photographies, d'images. Les projets Youngness, de projet Ibris, Licra du théâtre de l'Impie et Essepa de Marie Davidson et Pierre Guérineau. Tout ça présenté dans les salles multi-studio d'essai de Méduse en cours de soirée. Alors voilà qui est dit. Je donne maintenant la parole à Émile Beauchemin et Michel Plamondon en ce qui concerne les activités du prochain MM, dont le volet sonore est à l'avant-plan. Ouais. Émile, on enchaîne avec un projet un peu mystérieux pour ce qui est du titre. Ça s'intitule « La chemise de Frank O'Hara ». J'ai entendu des éléments sonores tirés de ce projet. J'aimerais que tu nous en parles afin qu'on écoute un peu ce qui se passe autour de cette chemise. Oui, en fait, « La chemise de Frank O'Hara », c'est la disposition VR d'un roman d'un auteur qui s'appelle Bertrand Laverdure. Donc, on diffuse ça en partenariat avec la Maison de la littérature. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse le faire avec eux. Ça fait beaucoup de temps que je veux m'aller multi-littérature. C'est un premier pas vers ça. L'expérience VR que les gens vont vivre sera, oui, très visuelle. On pourra voyager à travers des calligrammes faits de la littérature de Bertrand, mais il y aura un environnement sonore qui est composé pour chaque expérience que les spectateurs pourront vivre là. Donc, je dirais que ça vaut la peine parce que c'est vraiment inusité, là, en fait, comme expérience, la littérature 3D calligraphique. Avec un petit côté musical, je recommande fortement. Ça fait partie, ça, de tes projets à venir, je pense, par ailleurs, hein, de travailler la réalité virtuelle puis les nouvelles formes d'expression à la fois sonore, visuelle. Oui, absolument. Ben, en fait, avec les autres commissaires, Jeanne Couture et Laurence Pellafaille, on travaille vraiment fort à mettre en place un volet VR pour les prochaines années, bon, donc qui en aura pour tous les goûts. Wanting one to thing, be one everything, everything, everything, everybody, everybody, everybody, everywhere. Cette masse en sirop, lourde, dans laquelle on se déploie. Frank tient la souris, s'informe des visages matisses, participe ici à un éclair sans nom, dans une ville de grande classe. Je siffle dans la membrane, sans trop savoir ce que j'entreprends. L'abondance sera ma seule efface. Ce sera tout. Pas de service après minuit. Les verbes qui lassent régiront les cordes sans pendu. Dune buggy electro clash in a poor pedestrian blues. Thank you. Of Kinnett's libretto. I did not drift away. I did not die. L'amitié souffle le verre, obtient des schémas. 32. Comment décorer le commencement du ciel? Ne pas donner dans le petit ni le mesquin. Sous les voûtes de l'homme de théâtre Sabatini, 18e, chez Martine, Abou Kaya. L'opéra de Frédéric traîne la beauté tendre de l'inspection des outils, ceux de Ponge, ceux de Robot, ceux de la vie mode drame, mode estafette de la chanson reprise. L'offre de paix soude ses yeux au brandon de l'étrange. L'offre de paix soude ses yeux au brandon de l'étrange. Au Lego où il cache le groupe dont il parle. Micro-didactique séquentielle. Dire ouf parce qu'il s'agit de comprendre autre chose que l'exclamatif. De saisir l'emploi abrupt du mot village. Procéder devant les agrumes blonds et châtains, aux gestes répétés de la couverture rouge. Descendre à Pigalle après avoir levé le glace, gilet par oubli sur camouflage incarnat. Gilet, encore gilet. Képi couvre oignons et fenêtres ouvertes. C'est l'ultime préfixe qui trace le mémorandum, le re, le Iran de Michel, le pale shelter de l'empereur Urbi. I am there with Haussmann and the rue de Rivoli and the spirits of beauty, art and progress, pertinent and mobile. Cette année, j'en profite aussi pour dire qu'on a un nouveau volet résidence. Donc, je programme des artistes qui sont dans un processus de création encore. Donc, c'est pas des œuvres finies. On leur donne des espaces pendant toute une semaine et le public a la chance de les découvrir. Avaler l'Himalaya est présenté à la caserne. Donc, on peut le voir à la fin du festival le dimanche. Et c'est un laboratoire avec Jocelyn Pelletier qui le met en scène, mais également avec un danseur, Fabien Piché, et un musicien, Joël Lavoie. Et il y a une présence sonore qui contrôle également l'éclairage. Donc, les deux se parlent, se communiquent. Et c'est une performance sur la crise climatique qui nous engouffre, qui nous avale. Les éclairages vont bouger et vont se rapprocher du danseur au fur et à mesure que la performance avance. Donc, on peut imaginer que la musique va également être de plus en plus lourde et prendre de plus en plus de place. Tout ça est dans un processus d'exploration évolutif. Donc, l'œuvre existe par morceaux, mais elle va définitivement exister encore plus dimanche quand elle va être présentée. Michel, ma question à 100 000 $ c'est sûr, ça s'intitule La bombe, les soirées que tu as organisées. C'est l'esprit finalement que tu manifestes à travers le titre? Oui, là on parle vraiment, là, on revient là, le vendredi justement là, à la cuisine, donc c'est faire la bombe. C'est vraiment une idée qu'on va là pour vraiment tout laisser aller. Et après ça, là, c'est nécessaire d'aller dormir un peu pour un nouvel effondrement le lendemain matin, pour continuer là, l'avant-dernière journée là, du mois multi cette année. On dit le mois multi, mais c'est évidemment la semaine multi dans le condensé de cette année. Sinon, on célèbre le départ de l'effondrement. Donc, le mercredi, en ouverture au mois multi, on a un groupe montréalais encore qui est dans la musique électronique, la musique un peu électro, qui touche quasiment la suite logique du New Wave des années 80, mais ramené là, à aujourd'hui, là, un duo qui s'appelle Essepa. C'est un duo formé de Marie Davidson, qui a quand même eu beaucoup de succès avec son dernier album qui a été signé sur Ninja Tune, qui a vraiment tourné partout dans le monde, qui était selon certains l'album du mois, l'album de la semaine, l'album de l'année, selon les magazines et les médias qui étaient intéressés par cet album-là. Et les derniers albums qu'ils ont fait sur le nom de Essepa avec son ami Pierre sont vraiment intéressants. Ça a été signé sur le label DFA Records, qui est le label de James Murphy des LCD Sound System. Donc, ils ont vraiment une notoriété. On est vraiment chanceux de pouvoir les avoir ici à Québec pour débuter le mois multi. Je pense qu'on va vraiment avoir un bon party d'ouverture là, qui va vraiment être intéressant. C'est vraiment à voir. C'est dans le studio d'essai, ici à Méduse. Donc, on va avoir vraiment une belle soirée. C'est un show vraiment exclusif pour nous. Là. Magnifique programme, Michel. Je tiens à te féliciter. Encore cette année, le public va être sûrement au rendez-vous. Alors, on écoute Davidson avec son comparse, n'est-ce pas? Oui, donc, essaie pas. On y va. That's why I deal. formula. Émile, Michel, merci beaucoup de m'avoir reçu dans les nouveaux bureaux de Recto Verso. Et on se dit ensemble, bon mois multi. Bon mois multi, oui. Oui, bon effondrement. Oui, tout à fait. We'll be right back. Alors voilà, ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir autour de cette trop brève incursion dans le programme sonore du Mois Multi 2020. Vous pourrez tout retrouver sur le site dumoismulti.org en ce qui concerne le programme des activités de cette semaine. En ce qui me concerne, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site web de l'accroche-oreille pour noter les pistes entendues ce soir ou reprendre l'écoute de nos émissions en balado pour écoute immédiate ou en différé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL, le 89.1, pour une autre aventure sonore. Cela dit, restez avec nous, c'est House & Swing qui s'amène avec Guillaume Quentin, Pierre-André Gobeil. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.